Activité 20. 1. À quelle heure est-ce que vous mangez le soir? 2. Quelle langue est-ce que vous parlez? 3. Quelle est votre couleur préférée? 4. Le samedi, vous faites quoi? 5. Comment est-ce que vous allez à l'école?